L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Stéphane pour une playlist rock et new wave. Vous êtes bien dans l'heure du loup et on commençait avec AS Dragon, le groupe de Bertrand Burgala qui avait fait un petit succès il y a une dizaine d'années avec le titre Dog Love Dog. Ouais, il y a quelques temps c'était le nouvel an chinois, on passait de l'année du chien à l'année du cochon, ce qui ne présage rien de bon. Et donc pour dire au revoir au chien, je vais vous proposer d'écouter et de commencer cette émission par Dog Love Dog. Ce soir, c'est une émission qui correspond à une autre festivité, enfin si j'ose appeler ça comme ça, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin et la playlist de ce soir sera à l'avenant. Ouais, pas de souci. Bon, je crois que j'ai fait le chapeau de l'émission, j'ai rien oublié, je vous ai présenté l'émission, tout ça. Bon, on a mis le petit chapeau et on peut s'enfoncer dans les entrailles de cette playlist que je vous ai préparée avec amour ce soir. Et un peu de bave à la commissure des lèvres aussi. Et tiens, bah justement, l'amour, c'est une expérience vide, souvent. Mais pratiquement, ça consiste à remplir du vide aussi. Et c'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer, Love in a Void. Oh, Siouxsie and the Banshees à l'instant avec le titre Love in a Void. Love, l'amour, il va en être question un petit peu ce soir, mes petits loups, puisque c'est la Saint-Valentin qui se profile en ces froides journées d'hiver pour nous réchauffer un petit peu la libido. Ou pas, hein, parfois aussi pour nous simplement nous refroidir le porte-monnaie aussi. C'est cette fête qui a un caractère commercial, etc., mais qui correspond à une tradition assez ancienne. Et moi, de toute manière, je suis pas un mauvais prétexte prêt pour faire des playlists thématiques. Et donc, depuis quelques années, je vous en fais une régulièrement à la mi-janvier sur le thème de l'amour et du fefk. Et puisqu'il va aussi en être question, bien entendu. Donc, on commençait avec ces deux morceaux, Ice Dragon, Dog Love Dog, Siouxsie and the Banshees, Love in a Void. Et on va continuer un petit peu dans le même ordre d'idées avec une playlist particulièrement rock ce soir et qui correspondra un petit peu à ce thème de l'amour et qui nous gonfle mais en même temps qui est mignon quand même. Et du coup, l'amour c'est aussi des détails bassement terre à terre, bassement pratiques. C'est que, comme disait l'autre connard, l'amour ça coûte un pognon de dingue. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que Madame Macron disposait d'un budget de 400-500 000 euros par an pour son secrétariat. Donc vous voyez, hein, effectivement, ça coûte un pognon de dingue. Et ça coûte un pognon de dingue quand on est marié, parce qu'il faut faire un cadeau, tout ça. Et des fois, ça coûte aussi un pognon de dingue quand on est célibataire, parce que la seule ressource qu'on a, c'est d'aller aux putes. Et c'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer, demi-mondaine, vénale, d'amour. Une frontière. Maladroit, bah, c'était pas maladroit dans leur riff, en tout cas à l'instant, mais c'était le nom du groupe avec ce titre, She Spent Valentine on Her iPhone. C'est enchaîné juste avant avec Demi Mondaine, un autre groupe français avec le titre Vénal d'amour. Ouais, l'amour ça coûte un pognon du dingue, vous disais-je tout à l'heure. Des fois ça nous coûte même notre amour propre, hein, quand il s'agit ben, d'aller voir des professionnels parce qu'on est célibataire. Demi Mondaine, mais justement, le nom du groupe suggérait un petit peu ces dames de l'ancien temps, hein, c'était un terme un peu suranné qu'on appliquait aux prostituées du 19e siècle, enfin aux prostituées de luxe, bien entendu, avec ce titre Vénal d'amour, qui correspondait bien à cette info que j'ai appris il y a pas longtemps. Le budget secrétariat de Madame Macron fait genre 450 000 euros. Ouf. Et ouais, et donc un pognon de dingue, vous disais-je, et je dis que ça nous coupait même parfois notre amour propre, parce qu'on fait des cadeaux et finalement madame passe sa journée de Saint-Valentin sur son iPhone, comme c'était l'objet du morceau qu'on écoutait à l'instant. Ouais, et bah du coup notre petit cœur des fois il est tout brisé. Ouais, et bien c'est justement le sujet du morceau avec lequel on va continuer, The Last Cry, avec le titre Broken Hearts. Side. Far Away, oh, pas si loin que ça quand même, puisqu'on était ensemble à l'écoute de ce morceau, tout de suite The Last Cry avec le titre Broken Hearts. Les petits cœurs brisés, bah oui, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre. The Last Cry, donc bah, le dernier gros chagrin, oh non, ça m'étonnerait en fait, puisque votre vie comme la mienne va encore être longue et douloureuse, mais par contre, l'écoute de l'heure du loup va encore se poursuivre seulement pendant quelques dizaines de minutes. Allez, courage. On va continuer, alors, toujours dans cette veine rock'n'roll, mais avec un truc un peu moins sombre que ce groupe britannique qu'on écoutait à l'instant, hein, avec ce titre qui correspond bien à leur style, à mi-chemin entre post-punk et rock gothique en quelque sorte. On va aller vers des trucs un peu plus bourrins avec Juliet and the Licks, et tout de suite je vous fais un gros bisou avec le titre Hot Kiss. Yeah. Miaou. À l'instant, c'est Lux Intérieur qui faisait le chat beaucoup mieux que moi et qui chantait dans ce titre des Cramps, Can You Pussy Those Dog. Et c'était enchaîné juste avant avec Juliette and the Licks, là aussi du rock'n'roll endiablé avec le titre Hot Kiss. Parce que ouais, on a peur de rien sur Osmose Radio, on fait des bisous, on vous fait même des bisous qui sont tout chauds. Vu que c'est pas du luxe en ces temps de froid, du Raise the Cramps, à l'instant qu'on écoutait, ben, un titre hein, qui laisse planer une petite ambiguïté, comme souvent avec les Cramps, Can You Pussy Those Dog, est-ce que ton chaton peut faire le cabot en quelque sorte? Et donc y a, parmi les amis des animaux, il y en a qui préfèrent les chats, d'autres qui préfèrent les chiens, mais là je crois que Lux Intérieur, le chanteur, vous aura mis tous d'accord, toutes et tous d'ailleurs. Mais bon, vous l'aurez deviné, hein, y a une ambiguïté sur cette expression et j'ai cherché ce que ça pouvait bien vouloir dire. To do the dog, cette expression en anglais, mais en fait selon que tu vas dans le patois irlandais, dans l'accent britannique cockney, c'est ça. Ça veut pas dire la même chose en fait. Alors du coup, en Californie, qui était la patrie d'origine des Cramps, et ben du coup, je sais pas trop à quoi ça signifie, ce que ça signifie, à quoi ça correspond. Du coup, ben si vous le savez, vous pouvez venir m'en faire part, bien entendu, sur le Facebook de l'Heure du Loup, facebook.com/l'heure du loup, tout attaché. Oh oui, tout attaché. Excusez-moi. Et donc ouais, ben, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À l'instant, vous êtes bien sur Osmose, vous êtes bien dans l'Heure du Loup, vous êtes bien avec Stéphane et vous êtes bien avec une playlist rock et new wave consacrée sur le thème de la Saint-Valentin ce soir, avec ben justement, je parlais de chats, de chiens, de bestioles poilues, ben moi ce soir je suis avec Loïc dans le studio, bien entendu, le charmant régisseur de cette formidable radio que vous me faites plaisir d'écouter. À l'instant, on a écouté une première partie d'émission qui était assez rock'n'roll. Et on va aller vers des styles un petit peu différents, mais évidemment on va rester dans les mêmes thèmes et on va, comme Lux Intérieur à l'instant, chanter des cochoncetés, et bien on va rester un petit peu dans le thème, mais avec un groupe plus électronique, les Allemands de Sturmcafé, avec le titre Der große Schwein. La salle, je vois un peu ce qui se passe. Ah, il y a des gens quand même. Putain. Quand je vois le nombre de femmes baisables qu'il y a ici ce soir. Mais ça me rend dingue. Est-il possible que Dieu nous ait voulu monogame alors qu'une vie d'homme tout entière ne suffirait pas à pétrir tous ses seins et toutes ses fesses écrasées ici dans l'étreinte épaisse de ces fauteuils sournois aux ressorts douloureusement comprimés sous le poids brûlant de vos chaleurs interdites, madame? On savait que les auditrices d'Osmose Radio étaient les plus belles. Et ben là, pour le coup, c'est confirmé par des proches dans ce petit intermède que je me suis permis ce soir. Pardonnez-moi, c'est mon côté gros cochon. Hein, gros cochon. D'ailleurs, c'était le titre qu'on écoutait à l'instant par Sturm Café avec ce titre Der große Schwein. Un titre un petit peu ambigu là aussi qui peut se comprendre soit comme une grosse insulte, soit comme une subtile allusion, enfin subtile façon de parler. Et donc voilà, ben l'amour, c'est un petit peu le thème ce soir. L'amour et le sesque, hein, l'amour dans ce que ça a de plus suintant et de plus crade, et aussi ce que ça a un petit peu de plus éthéré et de plus mignon. Hein. Et on va faire les deux facettes ce soir, comme notre habitude, quand je fais une playlist sur ce thème-là. Et du coup, évidemment, les précédents, vous pouvez les retrouver si le cœur vous en dit, si vous avez le courage et la témérité. Vous pouvez les retrouver évidemment sur le site d'Osmose Radio, osmose-radio.fr. Dans la rubrique podcast, vous avez, bah, pas que mon émission à moi d'ailleurs, vous avez les podcasts des émissions précédentes, et notamment les émissions thématiques. Si le cœur vous en dit, je répète. Et je vous disais, ouais, l'amour, ben l'amour, c'est en général, c'est bien à deux. Tout seul, des fois, c'est un petit peu monotone. Et puis, à 12, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais le problème, c'est que quand on est deux, il y a toujours des gens qui veulent s'insinuer. Il y a toujours une tierce partie qui essaie de s'incruster. Alors, tantôt, c'est la famille. Tantôt, c'est Dieu. Et puis, tantôt, c'est les morpions ou les champignons. Enfin, bref, y a des moments comme ça. C'est pas très pratique. Et donc, du coup, bah, ça donne toujours des plans à trois, qu'on le veuille ou non. Ben, des situations bizarres, en quelque sorte. Eh bien, tiens, des situations bizarres, c'est un petit peu ce qui est décrit dans ce morceau de New Order qu'on va écouter tout de suite, Bizarre Love Triangle. Oh, je danse, le monde tourne en rond. Ce soir-là, tu m'as bien eu. Moi, je volais, je me sentais bien, je chantais, je dansais sur le même. Tu chantes et tu danses et tu en faisais peut-être autant, toi, derrière ton poste ou derrière ton ordinateur, cher ami. À l'instant, on écoutait Vive la fête avec le titre Baiser Canon. Et c'est enchaîné juste avant avec un autre groupe New Wave, mais plus ancien, celui-là, New Order, avec le titre Bizarre Love Triangle. Baiser Canon, ben ouais, parce que quand on s'embrasse, c'est pas toujours une fille, un garçon ou un garçon, une fille. Hein, c'est parfois des gens du même sexe, mais qui en ont chacun un, hein, je précise. Voilà. Et du coup, forcément, ça surprend parfois un peu, encore aujourd'hui. Mais c'est tout aussi mignon, je trouve. Sauf si c'est un garçon qui vient m'embrasser, bien sûr. Alors, garde tes distances, Loïc, s'il te plaît. Voilà, mais on approche de la fin de l'émission. On sent que le temps passe vite quand on s'aime et on va aller vers des choses un petit peu plus calmes. Et on va écouter un autre groupe New Wave, mais lui, non seulement ancien, mais qui n'existe plus. C'était Opéra de Nuit, un groupe de Valréas qui avait illuminé la scène, qui avait fait plusieurs titres intéressants dans les années 80 sur la scène post-punk française. Et je vous propose d'écouter tout de suite un titre qui est raccord avec le thème de ce soir, Ami Amant. Opéra de nuit avec le titre Ami Amant. Ça donne parfois des situations un petit peu compliquées, mais bon, ça fait un petit peu le sel de la vie, sinon le poivre de l'amour. Opéra de nuit, Ami Amant, on allait tout doucement vers la fin de l'émission avec ce titre-là. C'était la playlist Saint-Valentin de l'heure du loup ce soir, chers amis. De toute manière, si vous l'avez prise en cours de route, vous pourrez retrouver le podcast incessamment sous peu sur Twitter, sur Facebook ou bien tout simplement sur le site d'Osmose Radio. Et on va se quitter comme à notre habitude avec quelque chose d'un petit peu décalé, mais on va rester dans le thème que nous avons vu ensemble ce soir avec une chanteuse que j'aime bien, et ce sera de la folk américaine, ce style de folk music un peu particulier qu'on appelle Americana, avec une chanteuse que j'aime bien qui s'appelle Marissa Nadler, que j'avais interviewé il y a une dizaine d'années justement, que j'avais vu en concert, et c'est un peu Joan Baez, vous voyez le sans jeu de mots par rapport au thème de l'amour ce soir, je vous en prie. Mais Joan Baez, donc ce genre de chanteuse folk, sauf que Marissa Nadler, elle n'a pas un contenu politique dans ses chansons. C'est toujours des ritournelles un peu souvent assez tristes, etc. Avec des amours anciennes qui te hantent encore plusieurs années après. Ça aussi, hein, que celui qui n'a jamais péché ne me jette la première pierre. Et bien, ce sera un petit peu le thème du morceau avec lequel on va se quitter ce soir, chers amis. Old Love Haunts de Marissa Nadler. Bonne soirée, mes petits douches. Rendez-vous la semaine prochaine ou bien dans Erosmose vendredi, où je serai avec Laurence pour parler là aussi d'amour et de fête. Comme à notre habitude, c'est normal, c'est Erosmose. Allez, on se quitte avec Marissa Nadler, Old Love Haunts. Bisous, salut. Love haunts me in the evening, in the remnant.